du 6-8 au 9-3. Yeah, un petit son reggae, histoire de se mettre dans. Et Teddy Famous. Oh oh oh oh yeah yeah. T'inquiète, on est à 6-8 au 9-3. Moi je vis dans un monde que je qualifierais de médiocre, où la moitié des gens vivent sous l'emprise de mes dents. Hey, donc si j'en parle, c'est que j'ai peur comme internet, où je finisse comme tous ces mômes postés sur internet. Quand j'ai mal à vie, je constate que partout y'a du dégoût. Mon frère, aujourd'hui ça fait du bif, même en volant des plaques d'égout. J'ai plus rien, je crois. Nos cerveaux sont frappés d'hémorragie. Voilà pourquoi j'utilise des mots magiques tels que PH, ses parents et proches. N'avance à chez moi, c'est pas l'étape de la cagoule et de la langue blanche. Famas, t'es loin d'être un prince type, juste un mec qui reste au PH avec des princes. Reste juste l'une qui vient demander de montrer que le but tu es dompté. Donc essaye de compter quand c'est pas fini dans patte. Voilà pourquoi j'utilise la tactique de ma critique. La vitesse avec le sens texte, tu fais le tac comme j'avais même l'âge. Yo, je t'en sais, je m'attends mon porteur, mais d'un syllabe serait tellement possible de même après, je me battrai. Oh, je me battrai le 68 sans abonner pour un abondant. Ne m'a pas comment va ça, mon c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. C'est le retour phénoménal de l'homme qu'on appelle Famas. Dédit pendant qu'une fille nomme le mal, moi je m'efforce et me dis que la route du rap est un chemin semé d'embûches. Mais sans plus qu'à pour moi, cela reste une passion comme c'est Ghostman. De l'Undertaker, la seule différence c'est que dans ce qui fera la douleur meilleure. Car tout sous des mépris à ce qu'il n'y part derrière une asthénie de plus qui ne sera pas la terre. Yo, je traite l'entrée, je m'attends mon portrait. Mais dans ce l'entrée de mon possible, mais après je me battrai. Oh oh, je me battrai le 68 ans dans mon soin. Pour un temps, ne m'en pas comment penser mon c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. T'inquiète, on est sur le micro. Oh oh oh. 6-8 au 9-3, on est à peine dans ce tête. Ah, tu fais mal, je suis OP comme un animal. Tu sais très bien que je reste opérationnel au mal. Wow, wow, wow, wow, t'inquiète, on est à yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. De Mulhouse au 9-3, hey, on est à l'ouf, wow, pour reggae music. Thank you.